penser. La vie ce n'est pas que chanter. Trouve-toi un vrai métier. Oh non. On m'avait dit, Léa t'es loin de la réalité. Dis-moi les notes de musique. C'est ma façon de m'exprimer. Donc parle-moi. Oui j'ai dû me battre. Parle-moi. Oui j'ai dû y faire face. Parfois j'ai eu si peur de ne pas être à la hauteur. Un peu de chaleur et de réconfort autour de moi. Ma famille et ses valeurs.